first time on Machine of Audio Sound Driver. I didn't open the panel setting controls yet. I think it's good about the theme. No much. Much. Soul again with you. Ever to love again. Rien lâcher. Are you really sure it's you? I'm an eye, Mr. Perfect. I'm an eye, I'm an Paris, Tokyo. Border. que l'on est fille. C'est pourquoi ? C'est pour ça. J'aurais mieux fait d'écouter mon frère qui me disait. J'exagère. Mais ça vibre vraiment. C'est énorme. Bon, j'ai enlevé les mousses. C'est puissant. Ouvert. Ça fait du bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Le ciel qui nous tombe dessus, c'est nous qui envahissons le ciel. Ouais. Selon les probabilités, si seulement un certain nombre, la plupart conquérants. On verra bien. Technologie de précision. On vous ment pas, on vous ment pas. Technologie de précision. On est au point. Si on vous le vend, c'est au. Au poil. Il y a des mauvaises expériences. La magie. Planète s'aligne. Certains moments, alignement. D'autres moments, chaos. Plutôt chaos. Ces derniers temps. Recherchant les lignes, les traces, quelques repères. Pour aller chercher loin, les endroits loin en ce moment. Pas tragique, lucide. l'auto. Ah, excuse-moi, mon copain. On va pas emboliser. Attends, je regarde la si réunion clinique, bière. Les problèmes si du j'ai quotidien. J'ai pas une dernière bière, je m'arrête. Non. À l'heure de l'autocensure, j'arrive. Attends, je on regarde. On va plutôt. Mais je crois que j'en ai plus. Rendez-vous, rendez-vous compte. Non, ben non, mais bon, non, là. T'étais parti dans ton truc. Catharsis. J'ai fait pareil. C'était bien, j'adore. On a fait fuir tout le monde. J'aime beaucoup. Un petit peu. Non, on s'en fout. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alignement. Masse. Peuple. Massage du peuple. En haut, sur les épaules. Tendrie. Petit message du petit père du peuple. Tous les mêmes, tous courbés, tous voûtés, tous attendris. La viande bien tendue. Prime. Un peu d'huile et ça ira mieux. Cadeau, stage, et ça ira mieux. Loisir, abonnement, appris réduit. Souvenons-nous, il était un temps où nous avions peur des animaux. Ouais. Solstice. Bon, mon copain. Mon copain, je suis désolé, moi. Bon, j'avais su que tu venais là, je me serais pas. J'aurais été resté prêt, tu vois. Mais là, je suis pas prêt. Dans les herbes, il y a des animaux. Donc, il faut que je te dise bonne nuit. Ouais, je suis déchiré. Et demain, je travaille. Ouais. Je crois que je vais sécher l'aïkido. Je sais même pas si je vais venir de jeudi. Je suis pas sûr. Ouais, j'en peux plus. Non. Ouais, bon, on se voit bientôt, de toute façon. Et moi, jeudi, ça va être compliqué parce que... Ah ouais. Eh ben si jamais je dis c'est compliqué parce que, eh ben alors moi du coup j'hésite pas à sécher alors. Ben va faire ce que tu dois. Non mais va faire ce que tu dois faire alors je dis. Yes, Arika. Jenga, Jenga, Django. Représente. Je ne le sais pourtant. Le sens de la vie. Je vais lâcher mon ami. C'est par là. Je te vois bientôt. Sauras-tu tourne. Trouver. Laisse-toi emporter. Vas-y, laisse. Bientôt, mon ami, c'est par là. Je t'aime, on se voit vite. Laisse-toi emporter, vas-y, laisse. Bye bye. Bientôt. Bientôt. Merci, merci. Moi aussi. Bien. Bientôt. Comme un roseau pliant, tenant, tenons, frôlant les fissures, fail, tentative de tenir certaines positions. Tenir, oui, mais faut des appuis. Faut tenir, tenir sur les appuis. Pouvoir tenir. S'écouter, sentir, s'organiser, demander, sentir, toucher, s'organiser. Thank you. capable d'écouter, partager, d'être capable able to make noise, able to make sound.